Il revit ce vieux bonhomme et la conversation du soir. « Un exemple, que voulez-vous? C'est un exemple !»« mais monsieur, une fois, une seule fois, pensez donc, et j'ai travaillé toute ma vie. Il faut un exemple. Mais monsieur, regardez, monsieur !» Alors, ce portefeuille usé et cette vieille feuille de journal où Roblet jeune pose debout près d'un avion. Rivière voyait les vieilles mains trembler sur cette gloire naïve. « Ça date de 1910, monsieur. C'est moi qui ai fait le montage, ici, du premier avion d'Argentine. L'aviation, depuis 1910. Monsieur, ça fait 20 ans. Alors, comment pouvez-vous dire? Et les jeunes, monsieur, comme ils vont rire à l'atelier. Ah, ils vont bien rire. Ça, ça m'est égal. Et mes enfants, monsieur, j'ai des enfants. Je vous ai dit, je vous offre une place de manœuvre. Ma dignité, monsieur, ma dignité. Voyons, monsieur, 20 ans d'aviation, un vieil ouvrier comme moi, de manœuvre. Je refuse, monsieur, je refuse. » Et les vieilles mains tremblaient, et Rivière détournait les yeux de cette peau fripée, épaisse et belle. « De manœuvre. Non, monsieur, non. Je veux vous dire encore. Vous pouvez vous retirer. » Rivière pensa. « Ce n'est pas lui que j'ai congédié ainsi brutalement. C'est le mal, dont il n'était pas responsable peut-être, mais qui passait par lui. » Parce que les événements, on les commande, pensait Rivière, et ils obéissent, et on crée. Et les hommes sont de pauvres choses, et on les crée aussi. Ou bien on les écarte lorsque le mal passe par eux.